Et en terminant, Gabriel Nadeau-Dubois qui flirte avec Québec solidaire. Quelle surprise. Quelle surprise. Là, on l'a pas vu venir, hein? C'est un méchant punch. Non, c'est ça. C'est parce que là, il y a un article dans le Journal de Québec là-dessus ce matin où on relate un peu ses dernières sorties aux côtés de Québec solidaire. Soirée de financement dans Hochelaga-Maisonneuve la semaine passée. Quelques jours avant, il était dans Sainte-Marie-Saint-Jacques pour une partie de hockey cossonne de financement avec Amir Kadir et Manon Massé. Oh, ça devait jouer robuste. Game d'hockey comme ça, mais avec Manon Massé dans le coin, là. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est une patinoire de Cossum, puis je vais jouer dans l'autre équipe avec beaucoup de plaisir. Ouais, là. C'est ça. Mais eux autres, c'est pas des cocktails qu'ils font, c'est ça, c'est des games d'hockey Cossum. Et Françoise David dit, les portes de Québec solidaire lui sont grand ouvertes. Pourtant, Québec solidaire, je pensais qu'ils essayaient de faire un virage crédibilité, eux autres, depuis qu'ils ont tassé un peu Kadir dans le coin. On fait ça une game de cossum de financement contre Gabriel Nadeau-Dubois? Je serai ton Zeno, tu seras mon Pacioretty. Ouais. Peut-être. Bon, peut-être pas. Là. On fait des farces, on fait des farces, ouais. Là. Les blogueux là dans le sous-sol de nos parents là, faites pas un texte là-dessus. Ben non. On n'est pas agressifs, nous autres, voyons. 8h44, Vince.